Laisse donc un peu les filles. Allez, on va arriver ! Si vous cherchez la bagarre. Pas surpris parfois d'entendre certaines interprétations de vos chansons ? Ah, si. Hein ? Eh bien, écoutez, aujourd'hui, on est à la Nouvelle Vague en ce moment, hein ? Alors, on va vous présenter une de vos chansons chantée par un de la Nouvelle Vague. Oh, oui, laisse donc un peu les filles. Allez, on va arriver ! Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Apprends-moi la main, toi, mon petit Pékin. Oh oui, viens avec moi. Apprendre ce ne vaut pas. Salut, c'est Eric, bienvenue dans l'émission Johnny 2 à Z, le mercredi de 22h jusqu'à minuit, ici sur RIG 90.7 et aussi RIGFM.fr sur le net. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission et nous allons assister donc à un Johnny Hallyday en live. On retrouve tout de suite Johnny Hallyday en 1968 à Montréal. Attendez. Comment vous dire que... Oh oui, je suis très très content d'être ici à Montréal avec vous. Ah! J'avais gardé depuis mon dernier passage ici un souvenir formidable. Et ce soir, nous allons, les Blackbirds et moi, essayer de vous donner du plus profond de nous-mêmes. Oui, voici. Voici maintenant une petite chanson que j'ai enregistrée il y a à peu près 2 ans. C'est une vieille chanson, mais toujours une chanson que j'aime beaucoup. Oui. Si je devais charpenter, si tu t'appelais ma vie, où veux-tu alors me poser et porter notre enfant? La maison ne serait pas. Retour en France, Johnny Hallyday est au palais d'hiver de Lyon en 1968 avec ce titre Petite fille. Merci. Petite fille. je t'avais bien prévenu. Oh, aujourd'hui, ton amour, qui est-il devenu? Ah, petite fille, ce garçon t'a laissé. Oh, aujourd'hui, que les yeux pour mieux les pleurer. À ce moment, tu ne croyais que lui. Quand je t'aimais pour toi, la folie, petite fille. Ah, petite fille, je ne peux plus rien pour toi aujourd'hui. J'ai trouvé l'amour pour toi. Non, non, ah, petite fille, tu me cries ton amour aujourd'hui. Tu me cries trop tard de ce qui. Petite fille, maintenant c'est bien trop tard. Attends la vie, quand la vie lentement ne fait pas. Non, non, oh, petite fille, oui, petite fille, petite fille, petite fille. Nous quittons 1968 pour 2013. John Hayden est à Vienne le 18 juin 2013 et interprète le titre Entre mes mains. On connaît la version symphonique qu'il avait interprétée à Bercy pour ses 70 ans. Là, c'était 3 jours après son anniversaire. Vous écoutez Érigé, l'émission Johnny de A à Z. Combien de capitaines et combien de soldats, qu'il soit de plomb, de bois, sont morts entre mes doigts. Je n'étais qu'un enfant. Pourtant, je me souviens, j'ai pleuré bien souvent. J'ai connu bien des filles, et puis j'ai connu la fille. J'ai souvent fait l'amour, puis j'ai connu l'amour. Tout paraissait facile. Entre mes mains, Allez, direction maintenant Palerme, au Festival Pop du 19 juillet 1970, pour retrouver John Hallyday en train de pâter deux titres. Cours plus vite Charlie et le titre Mal. Nos amants, je crois, la même fille depuis déjà longtemps. Faisons alors une course à travers tout le pays. Je ne me dis qui gagnera, épouse malheureuse. Comme le mec Charlie, et tu gagneras, et je retourne pas. Comme le mec Charlie, et tu gagneras, la paix sera pour toi. Il croyait bien que son argent achèterait l'amour. Il avait déjà ouvert à les portes de son palais pour recevoir les jolies affaires de mademoiselle Essayine. À comme le mec Charlie et tu gagneras, à ne te retourne pas. À comme le mec Charlie et tu gagneras, la paix sera pour toi. Il n'avait jamais de beaux habits, il courait les pieds nus. Il connaissait le pays, les forêts et les cours d'eau. Et le vent qui était son ami, lui soufflait sur le dos. Comme le Bichari, et tu gagneras, et ne te retourne pas. Comme le Bichari, et tu gagneras, mais la paix sera pour toi. La paix sera pour toi. I'm retourne au Québec, exactement le 3 décembre 1970, et retrouvez ce titre-là, jusqu'à présent inédit, jamais d'autres versions live que celle-ci qu'on entend, Deux amis pour un amour. À Palavas les Flots en 1978, tournée d'été pour Johnny et deux titres. Extrait de l'album Solitude à deux, Un coup pour rien et La fille du square. Vous écoutez RIG, la radio de Johnny Hallyday, de mercredi soir de 22h jusqu'à minuit. Et ce soir, je vous propose Johnny Hallyday en live des bootlegs. Tout de fil, tout de fil, tout de fil.

en 1982, la première de ce Palais des Sports 1982, le 14 septembre, et ce titre qui est resté une, voire deux soirées, ce titre extrait de la peur, sans profession. Nouvelle chanson. Une nouvelle chanson dans la musique de Bruno Victoire, mon guitariste. Thank you. On continue toujours ce petit concert virtuel en quelque sorte avec des extraits bootlegs. Et là, on va retrouver Johnny à Nîmes. C'était le 29 novembre 1995 avec une version Heartbreak Hotel et version française Hôtel des Cœurs Brisés. C'était dans la partie Unplug. Slow du rock and roll. Vous avez envie de quoi là? Vous allez, vous avez envie de quoi? School my L'astro d'argento, la sigla onda, a tua spero il vento, vedita l'agile. I feel so long, so I could die. And the pencils fly, the lipsticks dressed in black. I've been so long and lonely, so you'll never come back. I feel so long, so I could die. I feel so long, so I could die. En français, que je vais vous faire. Le big man en est parti, j'ai trouvé un coin pour pleurer. En bas, au bout de la rue de l'hôtel, je me sens si seul, tu sais. Je me sens si seul. Ah, je me sens si seul que je pourrais mourir. Quel art du groupe sans cesse, le portier tout en noir. Ils sont restés si longtemps là-bas, dans ton j'avais les revoir, mais je me sens si seul. Si seul, je me sens si seul. Je pourrais mourir. Ah! I feel so lonesome, baby. I feel so lonesome. I feel so lonesome. Lonesome I could die. À présent, on va retrouver Johnny Hallyday en répétition à Bobigny. C'était en septembre 1985 et il répétait pour ses quatre spectacles, notamment à l'Humanité, la fête de l'Humanité en 1985. That's Alright Mama.

celui qui veut ma place. 10 ans de chaîne sans voir le jour, c'était ma peine pour ça, l'amour. Moi j'y refusais. Vous appréciez cette petite sélection de titres bootlegs live dans cette émission spéciale Johnny Hallyday Live du mois d'octobre 2025. Et voici Johnny à nouveau à Bercy en 1992 et ce titre extrait de l'album Ça change pas un homme, hommage à Mort Schumann avec ce titre Dans un an ou un jour. Cette impatience qui me brûle encore. présent, vous en avez écouté une série de la radio Europe 1. C'était l'émission Basket animée par Jean-Louis Lafont. Et c'était dans l'émission Basket du 11 janvier 1978 avec deux titres plutôt rares en concert. Si tu me quittes et tant pis, c'est la vie. Thank you. adieu, tant pis. Et bientôt, au milieu de tes amis, tu retiras ton amour pour moi et la vie. Mais claquer la porte comme un coup de feu, puisque partir, c'est mourir à deux, et la vie. Allez, on va partir sur des archives de meilleure qualité, notamment dans au festival du Châtelet. Le festival du Châtelet, le 10 septembre 1967, en Belgique, près de Charleroi. Voici un petit medley, Rhythm and Soul, John Hayden, 1967, sur RIG. Qu'une seule voix, on entend le crier. Tu t'es bien fini. je me sens si seul. Je me sens si seul. Je me sens si seul. Je me sens si seul. Oui, je me sens si seul. Je me sens si seul. Oui, je me sens si seul. Je suis seul. Quand je le vois par la main, tous les amoureux, moi je sais bien. Cet amour-là, je ne connaîtrai pas. Il ne sera jamais pour moi. Je suis seul. Je suis seul, reste toujours. Au milieu de mes tourments, je me dis que tu me mens. La vie, c'est un joli. Je suis peur d'être un jour trahi. Et ton amour, tu peux me jurer. Je sais bien qu'un jour, tu me feras crier. Je suis seul. Thank you. maintenant, pour le sauver, tout ce qui plaît. À l'instant de la vérité, pourquoi en douter? Forcément, il me restait l'espoir. On m'a dit, j'en veux plus dans ma vie. Oh non. Retournons à Bobigny en septembre 1985 lors des répétitions des divers concerts, du moins des quatre concerts que Johnny a exécutés en septembre et en octobre de 85. Voici Aimer Vivre en répétition. C'est écrit dans tes yeux quand tu parles de ta vie. C'est écrit dans tes rêves. Tes moindres envies, cette force qui te porte, j'en ai besoin aussi. C'est écrit quand tu danses, quand tu fermes les yeux, rien n'a plus d'importance, rien de ce qu'on avoue. Si c'est ton cœur qui bouge, c'est ton cœur qui fait tout. Je veux te voir chanter, je veux te voir bouger, je veux te voir crier. Ton plaisir, je veux te voir vibrer et te voir te lever. Oh,